Les jardins de Sanara. Je referme soigneusement la porte. Nous sommes seuls. Nathalie noue ses bras autour de mon cou et m'embrasse par petits bisous comme un oiseau qui picore. Ses lèvres sont complètement sèches, un point dont j'ai omis de lui parler. Je dénoue doucement ses bras de mon cou, pose ma mallette sur une table, l'ouvre, y farfouille un instant. Je lui tends un tube de labello et une petite boîte métallique. « Il faut protéger tes lèvres contre le dessèchement, sinon tu auras très vite des gerçures et c'est très désagréable. N'oublie pas d'en mettre aussi autour des narines. Pour les paupières, utilise plutôt cette préparation à base de vaseline. C'est inhabituel, mais indispensable si tu ne veux pas avoir l'impression qu'elle se craquelle. » Elle s'apprête à me répondre lorsque de la pièce voisine nous parvient un vacarme épouvantable suivi d'un chapelon de jurons en anglais. Nous poussons la porte de communication pour découvrir François tentant vainement de redresser une étagère métallique couchée au sol. Je me précipite pour lui donner un coup de main et à nous deux l'étagère est vite remise sur ses quatre pieds. François ne décolère pas. « Les boulons sont là. Il aurait suffi de les fixer et je n'aurais pas risqué d'être écrabouillé par cette saloperie d'étagère. » Nathalie ne peut s'empêcher de rire. « À vous entendre jurer, on voit que vous n'avez rien. » et que vous vivez à Boston. Je veux bien être pendu, si je ne vous ai pas entendu proférer des jurons irlandais, et avec l'accent de surcroît. François s'excuse. Pardon, docteur, mais j'ai bien cru que j'allais y laisser quelques os, et puis imaginez que nous ayons commencé à ranger le matériel. Pour les jurons et l'accent, ma petite amie est étudiante en médecine à Boston, et d'origine irlandaise. Il lui arrive parfois de se laisser aller à des écarts de langage. Rire de Nathalie. Sinon, elle ne serait pas vraiment irlandaise. Un rapide regard circulaire confirme à Nathalie que tous ses outils sont bien là et intacts et que leur rangement peut attendre. Comment êtes-vous installé, François ? Oh, très bien. Il désigne la porte au fond de la pièce. C'est un studio très agréable avec tout ce qu'il faut. Il y a même un frigo avec des boissons. Un frigo, parfait. En rangeant le matériel cet après-midi, elle se tourne vers moi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je commence à avoir faim. Le petit déjeuner famélique de ce matin est déjà loin. Je sursaute. Je regardais par la fenêtre le chauffeur du pick-up en train de discuter avec le gardien. La chaleur n'a pas l'air de les incommoder, le moins du monde. Ah oui, bien sûr. Je vous propose de vérifier si le restaurant du club est bien à la hauteur de la réputation du nouveau chef. Je jette un coup d'œil à ma montre. Ok, François. Si vous êtes prêt, on peut y aller. J'ouvre la porte donnant sur le couloir. Un petit signe, Nathalie. Après vous, je vous en prie. Nous ressortons de la fournaise et tandis que Nat et François s'installent, je m'hâte de grimper dans le pétrole et de mettre en route moteur et climatisation avant que mes passagers ne soient desséchés comme des pruneaux. Nous n'avons pas bien loin à aller. Le club est à moins de 500 mètres qu'il aurait cependant été téméraire de vouloir faire à pied alors que le soleil est à son zénith. Je gare le 4x4 sous un groupe d'acacias et tout le monde se réfugie prestement dans la petite salle à manger climatisée où nous sommes apparemment les seuls attendus. Le déjeuner composé pour l'essentiel d'une délicieuse salade de riz et de poisson est vite expédié, chacun ayant hâte de se rafraîchir et de prendre un peu de repos. Il est à peine plus de 12h30 lorsque nous redéposons François à son studio. Nathalie, lui, se cale pour 14h30 pour le déballage du matériel. La journée diplomatique de demain risque d'être fatigante, et il y a fort à parier pour qu'ensuite personne n'ait envie de faire de la manutention. Je redémarre. À la moue qu'elle fait et à ses sourcils froncés, je devine Nathalie un peu soucieuse. Un problème ? Non, rien d'important. Je vois bien que quelque chose te tracasse. Je me demande simplement si je réussirai à m'habituer à cette chaleur pour les relever sur le terrain. Tout en conduisant, je lui prends la main. Ne crains rien. Jusqu'à 11h, c'est supportable. Donc, si tu pars à 7h, ce sera tout à fait jouable. Tu auras 4h devant toi, avant d'être changé en caille rôtie. Elle tourne la tête vers moi, l'inclinant légèrement sur le côté. C'est son regard de chat. Je crois que cette idée d'être changé en caille me plaît assez. Mais qu'à tout prendre, je préfère être dégusté toute crue. Je ferai donc très attention au soleil. Ma température, qui ne demandait pas tant, vient de grimper de quelques degrés en une fraction de seconde. Je tourne à droite pour prendre la piste qui dessert la cité. « Hola, docteur Lorclane. Je connais ce regard. Pour ça, c'est comme pour l'alcool. il sera plus sage d'attendre que le soleil soit couché, et même alors, il faudra nous montrer extrêmement prudents. » Elle rit. « Que veux-tu dire par extrêmement prudent ?»« En Afrique, les blancs ne sont pas très nombreux. Ils sont donc visibles comme des poissons rouges dans un bocal. Ici, la nuit a des yeux et des oreilles. Il faudra donc être plus que discret dans notre intimité. » Elle est sur le point de me répondre, mais les mots meurent sur ses lèvres en un haut de surprise admirative. Il est vrai que pour ceux qui ne sont jamais venus, il y a de quoi rester bouche bée. La cité cadre est construite le long du fleuve Chari, sur une élévation de terrain qui la met à l'abri des crues centennales. 12 villas, les plus prisées, sont bâties côté fleuve, 12 autres de l'autre côté de la piste bordée de flamboyants qui traversent petit paradis et s'achèvent sur un espace irrigué de plusieurs hectares réservé aux habitants des villages du site pour leur culture vivrière. Mille et sorgho n'y sont pas autorisés car ces deux graminées demandent d'importantes surfaces et ne sont pas très gourmands en eau. L'ensemble de ces terrains est irrigué par une dérivation du système qui alimente toute la plantation. Depuis que le complexe existe, et même par les années les plus sèches, jamais le fleuve n'a manqué d'eau. Ce qui provoque l'étonnement et l'admiration de Nathalie est cette longue perspective plantée d'arbres aux essences diverses, parmi lesquelles dominent acacia et flamboyant. Leur feuillage peu dense crée assez d'ombre, mais laisse filtrer suffisamment de soleil pour permettre l'épanouissement des magnifiques jardins entourant chaque villa. Au milieu des pelouses d'un vert inattendu, manguiers, papayers, citronniers et autres fruitiers s'épanouissent et renforcent l'ombrage des acacias. Chaque terrasse est encadrée de bougainvillées multicolores et bordée de buissons d'hibiscus aux éclatantes fleurs rouges auxquelles il faut rajouter, plantées en alternance, de grandes touffes de citronnelle. Cette plante, outre sa fonction décorative et son effet répulsif sur les moustiques, fait partie de la pharmacopée locale. Il n'est personne vivant en Afrique tropicale qui ne connaisse l'infusion du soir aux effets apaisants et digestifs. Tous les 10 mètres au ras du sol, un asperceur dispense une pluie fine et serrée que les rayons du soleil filtrant à travers le feuillage irisent de centaines d'arcs-en-ciel. Mais le véritable secret de cette oasis est invisible. Toute la superficie de ces magnifiques jardins est maillée par un réseau enterré de canalisations PVC qui distribue un goutte à goutte souterrain, limitant l'évaporation au strict minimum. Nathalie semble fascinée. « Seigneur, que c'est beau! C'est le jardin d'Éden !» Puis elle fronce les sourcils. « Mais je doute que les villages alentours bénéficient du même traitement. » Je confirme. « C'est exact. Mais avant la création du complexe, il n'y avait strictement rien. » Aujourd'hui, non seulement tous les villages sont approvisionnés en fruits et légumes frais, dont ils vendent une partie sur le marché de Sanara, mais ils ont un accès gratuit aux soins. Alors tant que les jardins de la cité resteront verts, tout ira bien pour eux. Je stoppe devant ce qui va être notre villa, pendant les 2 semaines de notre séjour, et tout en descendant du véhicule suivi par Nathalie, je complète mon explication. Sois persuadé qu'il ne voit aucune forme d'injustice, dans le fait que nous vivions dans un palais par rapport à leur case, sans eau ni électricité. Nous sommes un peu leur Olympe, mais contrairement aux dieux irascibles de la Grèce antique, nous ne dispensons qu'abondance et santé. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Tu verras demain. Avec les chefs de village, tu comprendras. Tout en parlant, nous avons grimpé les quelques marches d'accès à l'immense terrasse de la maison. Un détail me prouve que nous étions attendus. Tables de jardin, chaises et fauteuils ont été soigneusement dépoussiérés. Je récupère dans la poche de mon jean le petit trousseau de clés que m'a confié de Valois et ouvre la porte de la villa. Je m'efface et m'incline légèrement. « Vous êtes chez vous, madame. » J'ai droit à un regard à damner un saint. De sa démarche de danseuse, Nathalie passe à me frôler, provocante. Les lourds rideaux des baies vitrées ouvrant sur la terrasse sont tirés et l'immense salon est plongé dans une semi-pénombre. La fraîcheur dispensée par une climatisation silencieuse contraste agréablement avec l'intense chaleur de l'extérieur. De la piste écrasée de soleil à l'ombre des flamboyants, notre vue s'est graduellement accoutumée à la baisse de luminosité. Il nous suffit de retirer nos lunettes de soleil pour que nos yeux s'adaptent à la fraîche pénombre de la maison. Les rideaux ne laissent filtrer que quelques raies de lumière. Pour y avoir déjà séjourné, je connais cette case réservée à l'accueil des personnalités en transit. Mais Nathalie la découvre. Elle reste plantée là, n'en croyant pas ses yeux. L'immense pièce est divisée en deux zones séparées par une arche romane de chaque côté de laquelle sont aménagées deux niches ornées de statuettes en bois cloutées du plus étrange effet. La première moitié, où nous sommes, constitue le salon centré autour d'une large table basse au plateau ovale taillé d'une seule tranche dans un tronc d'azobée, cette essence à la couleur violacée si particulière. À ce niveau, le tronc devait presque faire 2 mètres dans sa plus grande dimension. Le bois paraît verni tant il est patiné et lustré par d'innombrables couches de cire. Une coupe en malachite, disposée en son centre, est garnie d'œufs de dragons multicolores. Autour de la table basse, fauteuil et canapé profond tendu de bogolan, un tissu malien, au ton clair où le blanc domine, invite au rêve et au repos. Dans un coin, une gigantesque pipe bamoun, une ethnie d'Afrique centrale, transformée en lampe sur pied, diffuse une lumière dorée qui rajoute une note apaisante à ce décor sorti tout droit du fin fond de l'Afrique. Derrière l'arche, la salle à manger est meublée d'une table rectangulaire dont le plateau d'Iroko, une essence subsaharienne exploitée pour son bois blanc brun, doit bien faire 15 centimètres d'épaisseur, et de 12 chaises en bois sculptées d'inspiration Bamileke, une ethnie du Cameroun. Au fond de la pièce, un passe-plat communique avec une cuisine africaine, c'est-à-dire ouverte sur l'extérieur et uniquement close par des persiennes relevables mises en position haute pendant les services. Tant au salon qu'à la salle à manger, les murs sont décorés des magnifiques toiles de Korogo, une ville du nord de la Côte d'Ivoire. De masques d'Ogon, une ethnie du Mali, de sacs croisés et de boucliers de Poitané. Plantée dans l'entrée, Nathalie, les deux mains posées sur sa bouche, n'est toujours pas remise de sa stupeur. Elle balbutie. « John, c'est magnifique, féerique. Je ne sais plus si je rêve ou si je suis éveillé. On se croirait dans le roman de Karen Blixen, La ferme africaine. » Je caresse sa joue, remonte ses cheveux derrière l'oreille et l'embrasse doucement dans le cou. « Il ne manquait que toi, un tel décor. » Elle se tourne, me sourit, m'embrasse. « Merci pour le compliment. » Mais à qui appartient cette maison ? Je passe un bras autour de ses épaules. Oh, c'est une longue histoire. À l'origine, avant que le groupe ASC ne rachète le complexe, la maison était strictement réservée au président du Tchad qui l'avait fait construire pratiquement en même temps que l'usine. Tu remarqueras d'ailleurs que toutes les maisons de la cité sont des modèles réduits de ce petit palais. Après le coup d'État de 75 et notre acquisition du complexe, la case du président est devenue la grande case, et son usage réservé aux VIP, cadres supérieurs du siège en mission sur le site ou à certains hôtes de marque en visite sur la plantation. Ah, je suis un hôte de marque, très flatté. Je lui mets une petite pichenette sur le bout du nez. Il faut dire que ton CV est impressionnant et les a impressionnés. Allez, viens, je vais te montrer ta chambre. Elle me stoppe net dans mon élan, me retenant par le bras. La question exprime une certaine inquiétude. Ma chambre, et toi, où dors-tu ? Je lui prends le menton. Rappelle-toi que nous avons une couverture à préserver. D'ailleurs, en période d'intercampagne, je n'aurais pas été logé dans le même casque que toi. Ah bon ? On a eu de la chance. Je ris. La chance n'y est pour rien. Je connais bien l'organisation de la campagne de récolte et les problèmes de logement posés par l'afflux de personnel saisonnier en cette période. Je savais donc qu'à 99%, nous serions tous les deux logés dans cette maison. Il y a une autre chambre. Je vais te montrer. Elle me fixe avec un petit sourire. « Tu avais donc tout prévu, Machiavel ?» Je la précède et ouvre une porte donnant sur un couloir distribué en 2 chambres. Je pousse la porte de la première à droite. La pièce est sommairement meublée. Un grand lit sur lequel était posée ma valise, 2 chevets, une table, une chaise et un placard pour suspendre mes affaires. Dans le fond, une porte donnant sur la salle de bain. Je fais entrer Nathalie. « C'est la chambre du garde du corps, la mienne. » Elle éclate de rire. « Garde du corps ?» C'est toi le garde du corps et c'est moi le corps que tu es censé garder. De nouveau ses yeux de chat. Je crains et j'espère le pire. Une petite tape sur ses fesses. Allez, viens voir où nous allons dormir. J'ouvre la porte de l'autre chambre et c'est de nouveau la même magie. La pièce ne fait pas moins de 40 mètres carrés. Le mur face à la porte est percé de 2 baies occultées par de lourds rideaux. Les autres sont entièrement tendus de toiles de korogo. Même celui où est adossé un lit si grand qu'il semble avoir été conçu sur mesure pour géant, près de 3 mètres sur plus de 2. Un baldaquin habillé de tulle permet de déployer une moustiquaire sur cette couche somptueuse, recouverte d'un dessus de lit en patchwork de bogolan, tout comme les incroyables coussins qui le décorent. Le sol est un parquet de bengue, une essence tropicale à bois sombre, aux larges lames, couvert de deux tapis de haute laine. De chaque côté du lit, deux chevets en acajou massif assortis à la grande commode près de laquelle on a déposé les bagages de Nathalie. Elle me saute au cou. « Mon Dieu, on va vivre ici pendant 15 jours. J'ai l'impression que ce n'est pas réel et que d'un seul coup je vais me retrouver à Paris. Une telle merveille au milieu de nulle part, c'est magnifique. Merci, merci John. » Je l'embrasse doucement. « Ne me remercie pas. Je n'y suis pas pour grand-chose et je te confirme, c'est bien réel, tout comme ta mission et les relevés en brousse qui ne seront sans doute pas toujours des parties de plaisir. » Ses yeux brillent d'excitation. Pour vivre ça avec toi, j'irai faire des relevés en enfer. Oh, que je t'aime. Elle se recule un peu. Une si belle chambre, sans doute une salle de bain. Je la prends par la main. Lorsque je pousse la porte, elle a comme un sursaut. J'en étais sûr. J'aurais pu imaginer n'importe quoi, mais alors là, c'est clair, pas ça. Les murs de la salle de bain sont entièrement recouverts de mosaïques en pâte de verre et l'éclairage est tel que l'on a immédiatement l'impression d'être immergé dans un lagon polynésien. Vasques de lavabo, bacs de douche, jacuzzi sont taillés dans une sorte d'obsidienne, reflets bleutés et les robinets sont tous en laiton massif. Nathalie s'exclame. « C'est démentiel, mais que c'est beau !» J'embrasse le bout de ses doigts. C'est la folie des grandeurs d'un homme qui est à l'origine de cette beauté et, tu veux que je te dise, il ne le savait pas, mais il l'a fait construire pour toi. Cette maison et cette salle de bain t'attendaient. Nat me sourit. Elle s'avance, retire ses chaussures et commence à défaire la ceinture de son pantalon. Je m'exclame. Que fais-tu? Elle me regarde, l'air étonné. Je me déshabille. C'est ce qu'on fait d'ordinaire avant de prendre une douche. J'arrête son geste. Pardon, mais écoute-moi d'abord. Elle a un petit rire inquiet. Ne me dis pas qu'il n'y a pas d'eau. Non, ce n'est pas ça du tout. A-t-elle l'air étonnée ou agacée que je m'interpose entre elle et la fraîcheur bienfaisante d'une bonne douche? Je voulais t'en parler, mais ça m'est sorti de l'esprit. En Afrique, on évite de se doucher trop souvent, mais surtout d'utiliser les savons classiques qui favorisent les mycoses. En général, on prend une vraie douche où l'on se lave à fond après le travail avant le dîner. Le matin, douche à minima, sans savon ni gel, et à midi, on se contente de se rafraîchir sommairement. Mais naturellement, tu es libre de faire ce que tu veux. Je crains seulement que, tout comme n'importe qui, les défenses naturelles de ta peau, déjà très sollicitées par le climat, n'y résiste pas. Elle me regarde comme si je tombais de la lune. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mon explication, que je pensais pourtant claire, n'a pas réussi à la persuader. Je me permets donc d'insister. Ici, il fait très chaud, mais ça, tu l'as déjà remarqué. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que si l'on se douche souvent, la peau perd très vite ses défenses naturelles, et l'on attrape toutes sortes de mycoses. Ça commence en général au pli de laine, et ça s'étend rapidement. Pour les dames, c'est un problème qui peut devenir très vite un lourd handicap. Je crois que mon dernier argument a fait mouche. Elle réajuste sa ceinture. Merci de m'avoir évité cet horrible cauchemar. Mais comment fait une femme pendant les 4 jours du mois où il faut quand même un minimum d'hygiène? Elle fait une petite moue. Ce qui, je te le rappelle, est mon cas aujourd'hui. Là, je crois que c'est moi qui rougis, je bafouille un peu. Autant que faire se peut, évite le savon classique et utilise un gel à pH neutre. J'en ai un stock dans ma valise. Attends, je reviens. Il ne me faut guère plus d'une minute. Je lui tends le flacon. Tiens, pas de souci, j'en ai assez pour deux. Je bats en retraite et, sous son regard amusé, entame un savant repli à reculons. Je vais ranger mes affaires. On se retrouve au salon. Je me réfugie dans la petite chambre qui va me servir de dressing et dont il ne faudra pas que j'oublie de défaire le lit tous les soirs, ainsi que de froisser les draps le matin avant ma douche. Le personnel chargé du ménage ne doit pas avoir le moindre soupçon. Je défais rapidement ma valise et en range le contenu dans les placards de la chambre et de la salle de bain. Au souvenir de la scène de tout à l'heure, je me sens confus d'avoir été aussi maladroit, mais surtout d'avoir piqué un phare. Il n'y avait vraiment pas de quoi et Nathalie n'a pas dû très bien comprendre. Pour elle, ces choses-là sont toutes naturelles et en parler, avec délicatesse s'entend, est tout à fait normal. En me rafraîchissant rapidement, bras, torse, visage et nuque, je repense à mon petit exposé. N'ai-je pas été un peu ridicule? Mais il fallait bien que je lui explique. Oh, et puis zut! Je me sèche rapidement, un pchit d'eau de toilette. Je renfile ma chemise, un coup de brosse dans les cheveux, je sors, direction le salon. Elle y est déjà. négligemment assise sur un des canapés, un petit sourire au coin des lèvres. « Eh bien, tu en as mis du temps. Et on dit que ce sont les femmes qui traînent dans les salles de bain. » Je proteste. « Mais j'ai vidé ma valise et rangé mes affaires. » Son sourire moqueur s'accentue. « Il se trouve que moi aussi. » Puis l'éclat de rire. « Non, je te fais marcher. Je t'ai précédé d'une seconde. » Une moue de reproche. « Est-ce que j'ai droit à un bisou quand même ?» Je m'assieds près d'elle, l'enlace. Ses lèvres sont douces et le bout de sa langue une vraie friandise. Il nous reste 3/4 d'heure avant de reprendre le collier. Un moment de détente au frais dans les bras l'un de l'autre, sans rien d'autre à dire ou à faire que profiter de l'instant. Pour laisser Nat le maximum de place, je me suis allongé sur le côté, le dos contre le dossier du canapé. Elle m'a fait un bisou et elle a fermé les yeux. Il ne s'écoule pas une minute avant qu'elle dorme et j'avoue que je m'assoupis aussi le nez dans ses cheveux. Comme le disent beaucoup de ceux qui me connaissent, j'ai dû avaler un réveil sans y prendre garde, alors que j'étais encore très jeune et je ne m'en souviens plus. Toujours est-il que, comme à l'habitude, j'ouvre automatiquement les yeux alors qu'il nous reste un petit quart d'heure pour reprendre le travail. Tout comme moi, Nathalie ne déteste rien tant que d'être en retard. Je n'hésite donc pas à la réveiller en lui chatouillant le bout du nez avec une mèche de ses cheveux. Elle ouvre instantanément les yeux et j'ai droit à ce magnifique sourire qui fait de chacun de ses réveils un moment magique. Elle me donne un bisou du bout des lèvres et dans la même seconde saute sur ses pieds. Elle me tend la main. « Eh bien, aurais-tu l'intention de passer l'après-midi à flemmarder ?» Je me contente de sourire, prends sa main et m'extrait du canapé où j'étais pourtant si bien. Elle me prend par les épaules. « Merci de m'avoir éveillé. Je crois que j'aurais dormi jusqu'à demain. J'étais parti pour faire ma nuit. Un bisou très doux, trop bref. Allons-y. Je ne voudrais pas faire attendre François. » Je lui demande de prendre le volant et de me déposer devant les bureaux. « Tu n'auras qu'à passer me récupérer quand tu auras fini. Je serai dans le bureau juste à côté du secrétariat du DE, le temps d'une vraie douche, et on ira récupérer François pour le dîner. » Un léger toc-toc à la porte me fait lever la tête du dossier de commande où j'étais plongé. Un coup d'œil à ma montre, près de 18 h, je n'ai pas vu le temps passer. « Entrez !» La porte s'ouvre doucement et la tête blonde de Nathalie, son sourire et ses fossettes apparaissent dans l'entrebâillement. « Ah ! Il n'y a pas de plaque et je viens de me tromper en entrant dans le bureau du chef du service informatique. » Je referme le dossier. « Entre. Tu as donc fait la connaissance de François Vagnot. » Il était tellement absorbé par son travail qu'il a eu l'air de se réveiller. Avec ses grosses moustaches et ses lunettes rondes, on aurait dit un vrai hibou. Je me lève, récupère ma mallette. Il est toujours comme ça quand il travaille. Mais autrement, c'est plutôt un joyeux luron. Je la rejoins dans le patio que nous traversons en diagonale en suivant le tracé sinueux d'une petite allée empierrée. Le jour décline très vite. Il fera nuit dans 10 minutes. Notre patrouille est garée juste devant la grille et Nathalie se dirige côté passager. J'adopte un ton protecteur et condescendant. « Non, garde le volant. Tu as su arriver jusqu'ici, tu devras bien pouvoir nous ramener à la case. » Un petit regard en coin. Les yeux bleus me scrutent et m'adressent un message subliminal. « Ne joue pas les machos, John, ça te va très mal. » J'ai voulu plaisanter, mais j'ai juste été un peu lourd. J'essaie de me faire pardonner avec un bisou. Le trajet est bref, mais lorsque Nathalie garde le 4x4 devant l'entrée de la case, le soleil est déjà basculé derrière l'horizon et il fait presque nuit. Alors que nous franchissons le seuil, un bahut sculpté que je n'avais pas remarqué à midi attire mon attention. Je pense à un bar, et j'ai la surprise en l'ouvrant de découvrir un lecteur changeur de CD avec son ampli. Sur le point de filer dans la chambre, Nathalie revient sur ses pas. « Oh, c'est magnifique, regarde !» Rangée sur les rayonnages inférieurs, elle me désigne une collection impressionnante de CD, classiques, jazz, rock, parmi lesquels une bonne dizaine de disques de country. Juste en dessous, un échantillonnage de musique orientale et africaine. Je regarde les murs du séjour tout autour. « Mais où sont les enceintes ?» Nathalie me regarde, l'air surpris. « Comment ? Tu ne savais pas ?» « Que croyais-tu trouver dans ce meuble ?» J'ai cru que c'était un bar. Sa surprise s'accentue. « Tu es pourtant déjà venu ici, non ?»« Oui, mais tu sais, je n'y étais que pour dormir. Et je n'ai pas vraiment cherché à explorer les lieux. Les rares heures libres, je les passais plutôt à découvrir la brousse aux environs de la plantation. » Le changeur est déjà garni. Nathalie met en route. Et la seconde d'après, la voix de Nat King Cole semble sortir des murs. Sans hésiter, Nat se dirige vers les boucliers en peau accrochés de part et d'autre du bahut. Elle soulève légèrement celui de droite. Les enceintes sont derrière. À part les deux chambres, tu ne connais donc rien d'autre de la maison ? Non, je dois l'avouer. D'un pas décidé, Nathalie traverse le séjour en contournant les canapés. Elle se campe devant la grande bibliothèque vitrée qui occupe la presque totalité du mur d'en face. « Tu as vu ? C'est une vraie mine d'or !» Elle me dévisage avec un sourire perplexe. « J'essaie d'imaginer tes missions. » « Ça doit plutôt ressembler à un marathon qu'à une villégiature. »« Cette maison est une vraie villa de vacances, mais tu n'en as apparemment pas beaucoup profité. »« Je parierais même que tu n'as jamais ouvert cette bibliothèque. »« Pari gagné. » »« Et sais-tu seulement à quoi ressemble la cuisine ?» Sa question me paraît tellement saugrenue que je manque en rester quoi. Non, je n'y ai jamais mis les pieds. Mais pourquoi cette question? Parce que Bertrand de Valois m'a dit qu'il avait fait garnir placard et frigo pour nos petits déjeuners. Elle sourit. Tu ne croyais tout de même pas que j'allais me contenter chaque matin d'un café d'une biscotte? Non, tu vois, ça, je ne peux pas. Le sourire s'accentue et creuse ses facettes. Je sais bien qu'à Rome, il faut faire comme les Romains. Mais c'est un langage que mon estomac américain ne peut entendre. J'ai donc demandé à Bertrand s'il était possible d'avoir un minimum pour que l'on prépare nous-mêmes nos petits déjeuners. Allez, viens, on va voir ce qu'il a pu trouver. Elle me tend la main et m'entraîne dans la salle à manger vers la porte à droite du passe-plat. J'ai déjà vu nombre de cuisines africaines. Rudimentaires, ouvertes sur l'extérieur, elles ne sont fermées le soir que par un système de portillons et de persiennes rabattantes. Celle-ci est conçue sur le même principe, mais son équipement, de la gazinière à l'immense frigo, en passant par les innombrables placards, est ultra-moderne et ne doit pas dater de plus d'un an. Je comprends mieux pourquoi la hiérarchie du siège passe souvent par l'SST pour ses missions semestrielles. Nathalie a déjà commencé l'exploration en ouvrant les doubles portes du frigo. Bertrand de Valois a tenu parole. Je ne sais pas où il a pu se procurer tout ça en moins de 2 heures. Mais il y a là de quoi tenir un siège. Soigneusement rangés sur les étagères, une quinzaine de blisters de bacon sous vide, des barquettes de petites saucisses, quelques paquets de beurre, une dizaine de litres de lait, des œufs, du jus d'orange, de l'eau en bouteille, etc. Dans les placards, farine, sucre, miel, confiture, bref, il y a tout ce qu'il faut pour se confectionner un véritable petit déjeuner pantagruélique à la mode américaine. Nathalie continue son exploration. Oh, regarde, il y a même une friteuse. Et là, dans ce placard, 10 bouteilles d'huile de colza. Je vais te faire des donuts, dont tu me diras des nouvelles. Une recette de ma mère. Les meilleurs donuts de tout le Texas. On dirait une enfant devant la vitrine d'un confiseur la veille de Noël. C'est le pays de cocagne. C'est bien comme ça que vous dites dans le midi de la France. Elle me saute au cou et me couvre le visage de bisous. 15 jours au paradis. Si on allait se doucher et se changer pour le dîner,